Psaume 43. Fais-moi justice, ô Dieu, et soutiens mon droit contre la nation cruelle, délivre-moi de l'homme trompeur et pervers. Puisque tu es le Dieu de ma force, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi marcherai-je en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, afin qu'elles me conduisent et m'introduisent en la montagne de ta sainteté, et en tes tabernacles. Alors je viendrai à l'autel de Dieu, vers le Dieu fort de l'allégresse de ma joie, et je te célébrerai sur le harpe, ô Dieu, mon Dieu. Mon âme, pourquoi t'abats-tu, et pourquoi frémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est ma délivrance et mon Dieu.